Troisième partie, chapitre 16, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sonia. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Troisième partie, chapitre 16. Des richesses de l'esprit dans l'état de la pauvreté. Mais effectivement, vous êtes pauvre, filoté, odieux, tâchez de l'être encore d'esprit. Faites de nécessité vertu, et employez cette pierre précieuse de la sainte pauvreté pour ce qu'elle vaut. Elle paraît fort obscure au monde, et il n'en sait pas la valeur. Cependant, l'éclat en est admirable, et elle est d'un grand prix. Ayez un peu de patience. Vous êtes avec votre pauvreté en bonne compagnie. Notre Seigneur, la Sainte Vierge, sa mère, les apôtres, tant de saints et de saintes ont été pauvres, et ayant pu avoir les richesses du monde, ils les ont méprisées. Combien y a-t-il de grands du monde qui, malgré toutes les contradictions du monde, sont allés chercher avec beaucoup d'empressement la sainte pauvreté dans les cloîtres et dans les hôpitaux. Ils ont bien eu de la peine pour la trouver, et vous savez ce qu'il en coûta à saint Alexis, à saint Paul, à saint Paulin, à saint Angèle et tant d'autres. Or, voilà, Philothée, qu'elle vient se présenter à vous, et vous l'avez trouvée sans la chercher, et sans peine. Embrassez-la donc, comme la chère amie de Jésus-Christ, qui étant née pauvre, vécut et mourut pauvre. Votre pauvreté, Philothée, a deux avantages considérables, qui peuvent vous faire un grand fond de mérite. Le premier est, que n'étant point de votre choix, elle vous est venue de la seule volonté de Dieu, sans que votre volonté y ait part. Or, ce qui nous vient de la seule disposition de la Providence nous rend toujours plus agréables à Dieu, pourvu que nous le recevions de bon cœur et par un vrai amour de sa sainte volonté. Partout où il y a moins de nous, il y a plus de Dieu. Sa simple et pure acceptation de sa volonté rend la patience extrêmement pure. Le second avantage consiste en ce qu'elle est une pauvreté vraiment pauvre. Je m'explique, une pauvreté estimée, louée, caressée, secouru et assisté, tient lieu de richesse. Du moins, elle ne fait pas un pauvre autant qu'il peut l'être. Mais une pauvreté méprisée, rejetée, reprochée et abandonnée est la véritable pauvreté. Telle est pour l'ordinaire celle des séculiers, car comme ils ne sont pas pauvres par leur choix, mais par nécessité, on n'en fait pas grand cas. Et c'est par cette raison que leur pauvreté est plus pauvre que celle des religieux. Bien que celle-ci tire une grandeur excellente et un mérite singulier du choix que l'on en fait et du vœu par lequel on s'y est assujetti. Donc, Philothée, ne vous plaignez pas de votre pauvreté, car on ne se plaint que de ce qui déplaît. Et si la pauvreté vous déplaît, vous n'êtes plus pauvre d'esprit, mais riche de cœur et d'affection. Ne vous désolez point de ce que les secours nécessaires vous manquent, car c'est en cela que consiste la perfection de la pauvreté. Vouloir être pauvre et n'en recevoir aucune incommodité, c'est une grande ambition. Oui, c'est vouloir l'honneur de la pauvreté et la commodité des richesses. N'ayez point de honte d'être pauvre, ni de demander l'aumône par charité. Recevez avec humilité ce que l'on vous donnera, et souffrez le refus avec douceur. Rappelez le plus que vous pourrez le souvenir du voyage que Notre-Dame fit en Égypte pour y porter son divin enfant, et de tout ce qu'il lui fallut souffrir de mépris et de misère. Si vous vivez ainsi, vous serez très riche en votre pauvreté. Fin du chapitre 16, troisième partie.